Les cinq prochains messages seront consacrés à la personne de Constantin. Constantin est un point très important chez les protestants. Ils croient que Constantin fait la preuve que l'Église catholique n'est plus une Église de Dieu puisqu'elle a été contrôlée par lui. Je parlerai donc de Constantin, de sa conversion. Les protestants disent que c'était une fausse conversion, alors on va voir ça. Dans le deuxième message, nous verrons ce que les protestants pensent et disent de Constantin. Est-ce que c'est vrai historiquement ou pas? Dans le troisième, nous verrons les belles choses que Constantin a faites, car le Seigneur a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, alors nous allons voir ses fruits. Dans le quatrième message, nous verrons sa politique, son autorité vis-à-vis celle de l'Église. Est-ce que c'est vrai que Constantin a manipulé l'Église de Rome et en a fait ce qu'il a voulu? Cinquième message, son rôle au Concile de Nicée. Selon ce que les protestants croient, c'est lui qui aurait manipulé tout ça, qui aurait convoqué le Concile et non l'Église. Encore une histoire qu'il va falloir démêler. Alors je commence avec mon premier message. Je tire mes références historiques du manuel d'histoire L'Église des apôtres et des martyrs de M. Daniel Rops, tiré des grandes études historiques. M. Rops a reçu sa formation à l'Université de Lyon. Il était historien séculier, également un historien de l'Église, un écrivain, un professeur d'université. Il a été membre de l'Académie française et à sa mort, il a reçu de nombreuses distinctions. Alors, il s'agit d'un historien très, très compétent. L'histoire protestante a lancé et transporté beaucoup de désinformations à propos de la personne de Constantin. On a dit de lui qu'il était un visage à deux faces, un opportuniste, un menteur, un tricheur, qu'il s'est malicieusement servi de l'Église à ses propres fins politiques, qu'il a inventé l'Église catholique, etc., etc. Toutes ces affirmations n'ont absolument aucun fondement historique en quoi que ce soit, je vais le prouver. Mais tout ça fait partie du grand plan protestant qui est de détruire la crédibilité de l'Église afin d'établir la leur, car il ne peut pas y avoir deux Églises. Et comme il ne peut pas y avoir deux Églises, car le Christ n'en a fondé qu'une seule, alors on se sert de Constantin, on le décrit comme un salaud, et pas n'importe quel salaud, hein, c'est le salaud qui a inventé le catholicisme. Le but, c'est d'établir que si l'Église catholique a été fondée et inventée par le salaud Constantin, eh bien, c'est la preuve qu'elle n'est pas la véritable Église du Christ. C'est alors que l'Église protestante se mène et se présente, elle, comme la véritable Église du Christ. C'est comme ça que ça marche, hein? Je le sais parce que j'ai été protestant entre 25 et 30 ans dans ma vie. J'avais lu tous les livres, consulté tous leurs manuels. J'étais devenu un spécialiste du protestantisme. Mais quand j'ai mis le nez dans de vrais manuels d'histoire, écrits par de vrais historiens, j'ai reçu un grand seau d'eau froide dans la figure. J'ai tout remis en question. Ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs années, à m'avouer fautif. Ça a été un long cheminement. Mais les fils de la vérité reconnaissent la vérité et se courbent devant elle. J'ai dû m'agenouiller devant Dieu, pleurer et avouer toutes mes fautes, tout le mal que j'avais causé à l'Église par mes paroles, parce que j'étais un protestant très, très militant, vous savez. Bref, j'en reviens à Constantin. Je veux parler du fameux signe, par ce signe tu vaincras, là, que Dieu avait donné à Constantin. Les historiens chrétiens de l'époque romaine, Eusèbe de Césarée et Lactance, attribuent la conversion du jeune Constantin à une vision qu'il a eue juste avant la bataille du pont Milvius. Eusèbe nous a raconté le prodige de sa conversion. Voici la version officielle certifiée par Constantin lui-même. Je cite: C'était l'après-midi, le soleil commençait à baisser. L'empereur vit dans le ciel, au-dessus du soleil, le trophée de la croix formé de lumière avec cette devise: Triomphe par ceci. Une autre traduction rendue: Par ce signe tu vaincras. Il commença à se demander ce que signifiait cette vision. La nuit, Jésus-Christ lui apparut pendant son sommeil avec le signe qu'il avait aperçu dans le ciel. Il lui commanda d'en faire une insigne militaire. Fin de citation. Constantin a effectivement été victorieux. Il vit dans sa victoire une intervention céleste. L'expression sera écrite sur l'arche des triomphes commémoratifs. Ainsi s'explique comment Constantin, de païen qu'il était, est devenu chrétien après cette victoire. Il en donna aussitôt la preuve dans son fameux Édit de Milan de 313, où il fit cesser toutes les persécutions des chrétiens. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans tout ça une intervention providentielle divine. Dieu a suscité Constantin sur la scène humaine pour faire cesser les persécutions. Selon qu'il est écrit en 1 Timothée 2, 1 à 4, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les rois, afin que nous menions une vie paisible et tranquille devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. On sait que la paix contribue à faciliter l'évangélisation du monde, hein? Ce qui veut dire que la paix de l'Église vient de Dieu et non du diable, et que les persécutions viennent du diable et non de Dieu. Le diable veut faire du mal aux chrétiens, on est d'accord là-dessus? Et le diable n'a pas changé d'idée, vous savez. Il persécute et enlève la liberté aux chrétiens encore aujourd'hui, partout dans le monde, partout où il peut le faire. L'apôtre Paul dit lui-même ici que la paix des chrétiens vient d'une intervention divine. Elle vient de la prière. Alors elle vient de Dieu. Si cette prière est exaucée, alors c'est que la paix vient de Dieu. Et c'est exactement ce que Constantin a fait. Je vous donne une illustration. Si quelqu'un s'amène chez vous et se mettait à faire du mal à vos enfants et à vous menacer de mort et que par hasard, un policier passant devant votre maison voit tout ça par la fenêtre et vient vous délivrer de cette méchante personne, allez-vous dire gloire à Dieu, merci mon Dieu d'avoir envoyé ce policier? Aussi vous allez dire, oh non, le policier est envoyé par le diable. Alors soyons sérieux, mes amis. Admettez et reconnaissez que l'empereur Constantin a été la réponse aux prières de l'Église et qu'il a été providentiellement envoyé par le bras du Seigneur. Soyez conséquents, vous qui dites suivre la Bible et la Bible seule. Soyez conséquents. Constantin s'amène et délivre les chrétiens de ses persécuteurs. Ne dites pas que Constantin est du diable. Soyons sérieux, mes amis. Voici également ce que vous allez trouver très intéressant. Regardez la ressemblance entre le jeune Constantin et le jeune David. À l'époque, Constantin n'était qu'un jeune général sous les ordres de l'empereur Auguste. L'empereur Auguste était à Constantin ce que Saül était à David. Je cite ici encore le manuel de l'historien Daniel Rupps. Constantin entre dans l'armée à 15 ans. À 18 ans, il est déjà tribun de premier rang. Il s'était fait connaître par un courage extraordinaire. Il s'éleva très vite dans la hiérarchie et différentes sources célèbrent ses exploits sur le champ de bataille. Le vieil Auguste sanguinaire avait tout fait pour inciter le sort à se débarrasser de ce rival possible. Le courage de Constantin dans les batailles était glorieux. Constantin est acclamé par les troupes même d'Auguste. Dû à tout ça, Auguste l'avait engagé en d'étranges aventures, le défiant de combattre une fois un lion, une autre fois de combattre un sarmate gigantesque. Mais le jeune prince a impunément bravé tous les périls. Fin de citation. C'est pas beau, ça? La main de Dieu était sur lui dès sa jeunesse, tout comme le jeune David. Les protestants essaient de le dépeindre comme un salaud d'opportuniste. Mais je le dis, les amis, faites attention. Nous rendrons compte au Seigneur de toutes les paroles vaines que nous aurons proférées. Informez-vous et instruisez-vous avant d'enseigner n'importe quoi. Daniel Rupps écrit encore, il y eut dans la conscience de Constantin une évolution dans son cheminement vers Dieu. Plus le temps passera, plus il se comportera en chrétien. La vanité n'aura jamais raison de lui. Au palais impérial de Constantinople, un tableau sera placardé près de la porte d'entrée, montrant l'empereur en prière les yeux au ciel. Un autre, à l'intérieur, le représentant perçant un dragon avec une lance portant l'étendard du Christ. Il se fera aménager un oratoire privé où il aimera à venir prier longuement devant le seul ornement, une simple croix. Fin de citation. Encore une fois, est-ce que ça vous paraît là être les agissements d'un salaud envoyé par le diable, d'un hypocrite ou d'un faux chrétien? Vers 315, Constantin écrit lui-même. Je porte un entier respect à l'Église catholique. Et 20 ans plus tard, il écrit « Je professe la plus sainte des fois. On ne peut contester que je sois un fidèle serviteur de Dieu. » Fin de citation. En Hébreux 3:1, il est écrit: C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Également, Hébreux 4:14, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Constantin professe sa foi au Christ à plusieurs reprises durant sa vie. Il la professe en parole et en acte. Et basé sur ces seules preuves, nous sommes obligés de confirmer que cet homme était un chrétien, si nous voulons être conséquents avec l'Écriture encore une fois. Lorsque Constantin demande le baptême, il prononça ces très belles paroles. Voici venu le jour dont j'avais soif depuis si longtemps. Voici l'heure de salut que j'attendais de Dieu. Fin de citation. Il ordonna qu'on lui enlevât ses vêtements impériaux de pourpre, qu'on le revêtît de l'aube des néophytes. Quand l'évêque Eusèbe de Nicolini lui eut administré le sacrement du baptême, il murmura « Je suis vraiment heureux, je vois la lumière divine. » Amen à ça. Je cite à nouveau le manuel d'histoire de Daniel Rops. Si Constantin, en tant qu'homme, s'est révélé un chrétien bien imparfait, déchiré entre sa foi et ses tentations, un fait demeure incontestable. En tant qu'empereur, il a eu même, dans ses maladresses, un sens de son rôle authentiquement chrétien. Qu'il ait obéi à des intentions politiques ou qu'il ait ému par un sentiment plus profond, ou que les deux éléments se soient mêlés en lui, peu importe, ce sont les résultats qui comptent, et les résultats de son règne ont été l'instauration d'une politique chrétienne avant tout. À en juger d'après ses actes, plus encore que d'après ses paroles, Constantin est un homme qui se savait investi par la providence d'une mission qui le faisait se sentir responsable du salut du monde. Fin de citation. L'historien chrétien Eusèbe de Césarée interprétait ainsi les événements de son règne. Un seul Dieu fut reconnu pour l'humanité entière en même temps qu'un seul et universel pouvoir. L'Empire romain se leva et prospéra. La haine inexpiable fut désormais bannie entre les peuples et avec la connaissance du Dieu unique, de l'unique voie de salut. La doctrine chrétienne fut répandue parmi les hommes, si bien que durant cette période, un seul souverain étant investi d'une autorité sans réserve, une paix profonde régnait sur le monde, ainsi que la volonté expresse de Dieu de faire jaillir ensemble, pour le bonheur des hommes, la source de félicité et de bien-être, l'Empire romain et la doctrine chrétienne de l'amour. Fin de citation. Alors les documents historiques rendent témoignage à Constantin. L'empereur Constantin a régné pendant 31 ans et il est mort de mort naturelle vers 65 ans, alors qu'on sait que les empereurs païens ne faisaient tout au plus que quelques années. Proverbe 3:1-12 dit ceci: « Mon fils, garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Proverbe 28:2 « Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence, le règne se prolonge. » Constantin était donc bibliquement un homme juste devant Dieu. Alors réfléchissez à tout ça, mes amis, instruisez-vous et ne calomniez plus. Craignez de rendre un faux témoignage. L'Écriture dit « Tu ne rendras pas de faux témoignage ». L'Écriture dit aussi « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ?» Alors je le répète, mes frères et sœurs protestants, instruisez-vous. Amen.